Bien-aimés, je vous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ, notre bien-aimé, notre Seigneur, notre Sauveur. Et j'ai à cœur, parce que j'étais ces derniers jours en train de réfléchir, j'étais en train de prier le Seigneur pour savoir, je me posais des questions. Je me suis dit, Seigneur, comment se fait-il que beaucoup de personnes courent vers les miracles? Beaucoup de personnes sont à la recherche des miracles. Et puis je me suis posé la question, pourquoi ça, Seigneur? Est-ce que je peux savoir pourquoi? J'ai eu une petite lumière là-dessus. Ce n'est pas la seule raison, je n'ai pas dit ça, mais c'est l'une des raisons. L'une des raisons se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, à partir du verset 15. Pourquoi des gens vont vers les faiseurs de miracles? Pourquoi les faiseurs de miracles ont le succès? Pourquoi ils ont le succès? Pourquoi les gens courent vers les miracles? Pourquoi ces gens-là, ils prêchent la prospérité haute? Ils sont à fond dans les miracles, dans les prophéties, dans de la voyance et dans les délivrances et les guérisons. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 24, Jésus dit, beaucoup seront séduits, beaucoup iront vers ces faiseurs de miracles. Et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi? Donc, j'ai ici l'une des raisons, pas la seule, l'une des raisons, se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 15. Vous connaissez tous ce passage. Marc, chapitre 16. Au verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai eu à méditer ce passage. Comment expliquer que les faiseurs de miracles ont le succès? Les gens courent vers les miracles. La réponse est simple. Parce que les appelés de Dieu, parce que les vrais hommes de Dieu, beaucoup, pas tous, beaucoup ne font pas le service complet. Beaucoup ne font pas ce que Jésus leur a demandé de faire. Jésus a demandé de faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle à toute la création, imposer les mains aux malades, chasser les démons. Ça, c'est ce que Jésus attend de ses serviteurs. Qu'ils prêchent la parole, qu'ils imposent les mains aux malades et qu'ils chassent les démons. Or, bien aimé, quand on regarde dans les églises aujourd'hui, parce que c'est trop facile, on est en train de juger ceux qui abandonnent les églises et qui vont vers les faiseurs de miracles. On est en train de les juger. Oh, ils suivent les miracles. Oh, ils suivent les miracles. Jésus a demandé à ses serviteurs le service complet. Prêcher la parole. Imposer les mains aux malades. Chasser les démons. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'après son départ, nous allons être confrontés à des personnes qui croiront à la parole, qui sont parfois tourmentés par des esprits, des femmes de nuit, des esprits de toutes sortes, et des malades. C'est pourquoi il nous donne son nom, pour qu'on impose les mains aux malades, pour qu'on chasse les démons, et qu'on annonce la bonne nouvelle à toute la création. Or, quand on regarde, cette exhortation, cette parole s'adresse en particulier à des serviteurs de Dieu. Je parle ici des serviteurs de Dieu qui ont reçu l'appel. Je connais une église là à la Courneuve. Du premier jour de l'année, jusqu'au dernier jour de l'année, la parole de Dieu est prêchée. Après la prédication, on passe aux offrandes. Après les offrandes, c'est les annonces. Ça tourne comme ça du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Jamais d'imposition des mains aux malades. Jamais des délivrances. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les appelés de Dieu ne font pas le service complet. Parce que ce que Jésus attend de toi, toi qui as reçu l'appel, c'est que tu annonces la bonne nouvelle à tout le monde, toute la création. Jésus attend de toi que tu imposes les mains aux malades. Parce que dans ton assemblée, là, il y a des malades. Dans ton assemblée, il y a des personnes possédées. Il y a certaines personnes qui ne dorment pas la nuit. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y a des gens tourmentés. Mais toi, tu prêches la parole. On passe aux offrandes, on fait les annonces, basta, au revoir. Tu fais ça toute l'année. Et les personnes possédées de ton assemblée, tu en fais quoi? Et les personnes malades de ton assemblée, ils font comment? Parce que ce que Jésus attend de toi, c'est que tu annonces la parole, la bonne nouvelle. Que tu imposes les mains aux malades. Mais il y a des malades dans ton assemblée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est trop facile. On est en train de juger ceux qui courent vers les faiseurs de miracles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Satan a regardé l'église. Le diable a regardé l'église. Satan observe et il sait comment attaquer. Lorsque Jésus décide de faire un jeûne de 40 jours dans le désert, le diable l'observait. Qu'est-ce que le diable a vu? Il a dit, l'homme là, ça fait 40 jours que je regarde l'homme là, je ne l'ai pas vu manger. Je crois que le meilleur endroit de l'attaquer, c'est la nourriture. Parce que ça fait 40 jours que je l'observe dans le désert, je ne le vois pas manger. Pour l'avoir, il doit avoir un besoin de nourriture, parce que ça fait quand même 40 jours que je ne l'ai pas vu manger. Donc il faut que je passe par la nourriture. C'est pourquoi il vient attaquer, il vient tenter Jésus par la nourriture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le diable a regardé l'église. Il a vu que les appelés, les vrais serviteurs de Dieu, ils prêchent la parole, les offrandes, les annonces, basta. Satan a regardé et il a trouvé que ces vrais appelés de Dieu négligent l'imposition des mains aux malades, négligent les délivrances. Satan a dit, ok, comme vous négligez cette partie-là, moi je vais cibler cette partie et envoyer mes serviteurs s'occuper de cette partie. Parce que vous avez des églises. Du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour, il n'y a pas d'imposition des mains aux malades. Il n'y a pas de délivrance. On prêche la parole, les offrandes, les annonces. Au revoir. L'autre dimanche, je reviens. Parole, on prêche, les offrandes. On fait les annonces, au revoir. Ça tourne comme ça. Toute l'année, vous ne verrez pas l'homme de Dieu dire, il y a des malades, venez ici, Jésus va vous guérir, on va prier pour vous. Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance. Vous avez des églises où ça n'existe pas. Mais comment voulez-vous? Mais Jésus nous a dit, annoncer la bonne nouvelle. C'est bien beau de prêcher, oui. Mais Jésus ne te dit pas de s'arrêter là. Jésus t'a dit de prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Jésus te dit aussi, impose les mains aux malades, chasse les démons. Mais toi, tu te limites qu'à annoncer la bonne nouvelle. Tu ne fais pas le service complet. Tu ne fais pas le service complet. Jésus t'a dit trois choses. Annonce la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Impose les mains aux malades parce que Jésus savait que parmi les membres de vos assemblées, il y a des malades. Jésus te dit, chasse les démons. Trois choses. Toi, tu te limites qu'à prêcher la bonne nouvelle. Et les deux choses là, délivrance et guérison. Pourquoi tu ne fais pas ça? Là, je m'adresse à des hommes de Dieu. Parce que c'est trop facile que les gens quittent vos assemblées. Ils vont vers les faiseurs de miracles. Et on les juge. Oh, ils suivent les miracles. Ils suivent les miracles. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est parce que Satan a vu. Il a regardé l'église. Et il a trouvé une faille. Il a trouvé que les appelés de Dieu, les vrais pasteurs, hommes de Dieu, négligent ces deux choses. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que les faiseurs de miracles, ils ne perdent pas leur temps à prêcher la bonne nouvelle. Ils n'ont pas le temps. Louange, adoration, tout de suite les prophéties démarrent. Les délivrances, les guérisons, les impositions des mains. C'est parce que Satan a vu la faille. il a vu que les vrais appelés de Dieu négligent ces deux volets-là. Jésus dit, annoncer la bonne nouvelle au monde entier, imposer les mains aux malades, chasser les démons. Mais vous, dans vos églises, on prêche, ça commence, louange, on passe à l'adoration, le pasteur prend le micro, alors on va ouvrir la Bible, il commence à prêcher. Tu annonces la bonne nouvelle, gloire à Dieu. Mais Jésus ne t'a pas appelé que pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus qui t'a appelé t'a dit aussi d'imposer les mains aux malades de ton assemblée. Jésus t'attend aussi de toi, Jésus attend de toi que tu chasses les démons aux personnes possédées de ton assemblée. Mais toi, tu te limites qu'à prêcher la parole et la prière aux malades et les délivrances. Tu dis non, Seigneur, tu attends de moi trois choses. Moi, je veux m'occuper que de prêcher la parole. Les personnes possédées et ceux qui ont besoin de guérison, ce n'est pas mon problème. Mais tu n'es pas fidèle à Dieu. Il y a des gens qui ne savent même pas, ils ne réalisent pas qu'ils sont infidèles à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas dit de se limiter qu'à prêcher la parole. Jésus attend de toi aussi que tu imposes les mains aux malades, parce qu'il y a des malades dans ton assemblée. Jésus attend aussi que tu chasses les démons, parce qu'il y a des personnes possédées là dans ton assemblée. Mais toi, du premier jour de l'année au dernier jour de l'année, tu prêches que la parole. On prêche que la parole. Je connais une grande église ici. Le pasteur prêche bien, mais vous ne verrez jamais d'imposition des mains aux malades. Vous ne verrez jamais quelqu'un posséder qu'on chasse un démon. Non, non, non, non. Après la prédication, les offrandes. Après les offrandes, les annonces. Ça tourne comme ça en boucle chaque année. Et j'ai compris pourquoi les gens qui ont besoin de délivrance, les gens qui ont besoin de guérison, puisque vous, vous ne faites pas ça, vous vous limitez qu'à prêcher la bonne nouvelle. Satan alors, il a envoyé des loups, le diable a suscité ses agents, et il leur a dit, côté prêcher la parole, ne perdez pas votre temps avec ça. C'est pourquoi ces faiseurs de miracles, ils ne prêchent pas la parole. Parce que Satan leur dit, comme l'église, les appelés de Dieu négligent les délivrances et les guérisons, moi je veux envoyer mes gens pour qu'eux soient très pointus, bien cadrés, sur les impositions des mains. Parce que vous avez des églises, des hommes de Dieu qui ont reçu l'appel, mais vous ne les verrez pas imposer les mains aux malades. Et pourtant, il y a des malades dans leurs assemblées. Vous ne les verrez pas chasser les démons. Et pourtant, il y a des personnes possédées dans leurs assemblées. Ils ont complètement ignoré cette partie. Jésus attend de toi, toi qui es homme de Dieu, que tu prêches la bonne nouvelle. Que tu imposes les mains aux malades, parce qu'il y a des malades là dans ton assemblée, que tu chasses les démons. Mais les hommes ont dit, non Seigneur, nous, on va s'occuper du volet numéro 1. On va se contenter de prêcher la parole. Le reste, on ne touche pas. Et comme Satan a vu que vous ne touchez pas, c'est alors que Satan, lui, il a suscité ses agents, les faiseurs de miracles. Il parle que de big miracles, campagne de miracles, délivrance, venez recevoir votre vie. Ils sont très pointus que sur les miracles. L'évangile des miracles, eux sont que sur les miracles. C'est une stratégie du diable. Parce que le diable a vu que les vrais appelés de Dieu négligent ce volet-là. Négligent ce volet. Et c'est pourquoi les gens quittent les vraies églises pour aller suivre ces faiseurs de miracles. Parce que c'est trop facile. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi, pourquoi? Parce que j'ai vu des gens dans des vidéos, des gens qui fréquentent des églises où il y a des hommes de Dieu qui ont reçu l'appel. Mais comme il n'y a pas de délivrance dans leurs églises, mais comme on n'impose pas les mains aux malades dans leurs églises, ces gens-là sont obligés d'aller chercher ces choses, mais dans de mauvaises mains. Dans de mauvaises mains, vers des faux hommes de Dieu qui touchent à l'astrologie, au maraboutisme, pour avoir des puissances de délivrance. Obligés. Mais c'est trop facile de les juger. Oh, ils vont faire quoi? Miracle. C'est trop facile. C'est parce que les vrais appelés de Dieu ne font pas le service complet. C'est ce que je dis, le service complet. Parce que le service complet, c'est Marc chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 18. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que Jésus attend de toi, toi, homme de Dieu. Jésus attend de toi que tu annonces la bonne nouvelle à toute la création. Que tu imposes les mains aux malades et que tu chasses les démons. Mais toi, dans ton ministère, tu ne prêches que la parole. Délivrance et guérison, tu as dit, ça, c'est pas mon problème. Mais les gens sont obligés. Des gens sont obligés d'aller chercher ça vers les faiseurs de miracles. Parce que si on pouvait faire le service complet, si dans nos églises, les vrais appelés de Dieu, les hommes de Dieu appelés de Jésus, pouvaient faire le service complet, Les gens ne quitteront pas vos assemblées pour aller trouver les faiseurs de miracles. Parce que si les gens courent derrière les faiseurs de miracles, c'est parce que vous ne faites pas le service complet. Vous avez des hommes de Dieu qui ont vraiment l'esprit des religieux. Ils ne prêchent que la parole. Église de réveil de nom. Ils ont le mot église de réveil que de nom. On ne prêche que la parole. Vous ne verrez pas ce pasteur faire la peine. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tourmentés par les esprits? Venez ici, on va prier pour vous. Vous ne verrez pas ça. Vous avez des églises, vous ne verrez pas le pasteur dire que les malades s'approchent. Jamais. Mais Jésus, attends, Jésus t'a dit prêche la bonne parole. Jésus t'a dit impose les mains aux malades. Jésus t'a dit chasse les démons. Parce qu'il savait que les gens qui viendront vers toi dans ton appel ont des besoins. Mais si tu ne touches pas ce volet, tu ne fais pas le service complet, crois-tu que Dieu est fier de toi? Crois-tu que Dieu est fier de toi, toi homme de Dieu, qui se limite qu'à prêcher? Mais Jésus ne t'a pas dit que de prêcher. Jésus attend aussi que tu imposes les mains. Parce qu'il y a des malades dans ton assemblée. Dans ton assemblée, il y a des personnes qui sont tourmentées par les mauvais esprits. C'est pourquoi Jésus t'a dit d'annoncer la parole, d'imposer les mains aux personnes malades qui sont dans ton assemblée et de chasser les démons. Mais toi, tu te limites qu'à prêcher la parole. Les deux autres là, tu ne touches pas. Pourquoi? Crois-tu que Jésus est fier de toi? Franchement, frère, ma soeur, toi qui as reçu l'appel de Dieu, bien-aimé, est-ce que vraiment, réfléchis un peu, crois-tu que Jésus peut être fier de toi? Parce que tu ne fais qu'une partie de ce qu'il attend de toi. Tu ne fais qu'une partie de ce qu'il attend de toi. Il attend de toi que tu prêches la parole. Il attend de toi que tu imposes les mains aux malades. Il attend de toi que tu fasses des délivrances. Mais toi, tu ne fais jamais imposition des mains aux malades. Tu ne fais jamais des délivrances. Tu viens là le dimanche, beau costume. Tu viens bomber le torse. Révérend bishop, révérend pasteur, tu viens là. Tu prends le micro, tu te mets à prêcher, à prêcher, à prêcher, à prêcher. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais les deux autres volets, qui va s'occuper des malades? Qui va s'occuper des personnes possédées? Qui s'occupe? Parce que dans ton assemblée, il y a des personnes malades. Dans ton assemblée, il y a des personnes qui sont tourmentées par des esprits. Il y a des personnes qui... Tout à l'heure, je venais de prier pour une femme. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Les esprits de femmes de nuit, hommes de nuit, ils souffrent. Ces personnes-là souffrent. Mais toi, tu te limites à prêcher. On passe aux offrandes, on fait les annonces. Tu prêches tous les dimanches, c'est comme ça. Mais les malades de ton assemblée, qui s'en occupent? Les personnes tourmentées des esprits de ton assemblée, qui va s'en occuper? Est-ce que tu crois si Jésus te dit, toi qui dis homme de Dieu, servante de Dieu, tu te dis servante du Seigneur, gloire à Dieu, qui que tu sois. Mais Jésus te dit de faire trois choses. Jésus attend de toi trois choses dans ton ministère. Et toi, tu ne fais qu'une chose. Jésus attend de toi trois choses. Prêche la parole, imposer les mains aux malades, chasser les démons. Mais toi, tu as choisi de prêcher que de la parole. Tout le reste là, tu ne touches pas. Jésus t'a appelé à faire les trois. Parce qu'il savait qu'il y aura des personnes dans ton assemblée qui sont malades. Il y aura d'autres qui sont embêtés par des esprits. Mais toi, tu as choisi de prêcher que la parole. Mais comment veux-tu, quand les faiseurs de miracles vont faire leur publicité, leur campagne de publicité, campagne de miracles, mais c'est normal que les brebis de ton église aillent là-bas. Ils vont aller chercher la guérison. Ils vont aller chercher la délivrance. Parce que toi, tu ne fais pas ça. La faute à qui? Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité là-dedans. Parce que Jésus va te dire, mon fils, ma fille, je t'ai dit là d'imposer, d'annoncer la bonne nouvelle, d'imposer la... Mais pourquoi? Pourquoi tu te limitais qu'à prêcher la bonne nouvelle? Parce que c'est ce qui fait la différence entre les églises de réveil et d'autres églises. Parce que dans les églises protestantes pures et dures, on se limite à la parole, point barre. Mais dans les églises de réveil, c'est le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit guérit, le Saint-Esprit délivre. Tu dis que tu es appelé de Dieu. Mais Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, Jésus te dit, avant de partir, là Jésus devait partir vers son Père. Et il te dit, toi mon serviteur, annonce la bonne nouvelle à toute la création. Impose les mains aux malades, chasse les démons. Toi tu es resté à faire le service, mais tu choisis de prêcher que la parole, guérison, délivrance, tu dis, c'est pas mon affaire. Mais attends, Crois-tu que Jésus, quand il te regarde, il est satisfait? Parce qu'il t'a demandé, il attend de toi trois choses. Et toi, tu as choisi de prêcher que la parole. C'est, tu as une responsabilité si les brebis vont vers les faiseurs de miracles. Parce que Jésus va te dire au grand jour que pourquoi tu ne chassais pas les démons? Pourquoi tu ne pratiquais pas la délivrance? Et pourtant, j'attendais ça de toi, puisque je t'ai donné mon nom. Jésus dit bien, à mon nom, vous imposerez les mains, à mon nom, vous chasserez les démons. Tu avais à ta disposition mon nom. Mais pourquoi tu n'as pas fait le service complet? Jésus va te le demander. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Parce que vous avez des pleins d'hommes de Dieu qui ont reçu l'appel de Dieu, mais qui ne pratiquent pas ni la délivrance, ni la guérison. Les brebis de vos églises, vous allez les retenir comment? Ils sont obligés. Ils sont obligés. Certains ont déjà tenté qu'avec l'hôpital, ça ne donne rien. Avec l'hôpital, ça ne donne rien. Parce que leur problème vient des démons. Mais comme toi, dans ton assemblée, tu ne chasses pas les démons. Alors que ces personnes-là sont tourmentées par les démons. Ils ont été voir des médecins plusieurs fois. La situation ne s'améliore pas. Parce que leur problème vient du monde spirituel. Ils ont besoin de délivrance. Vous vous souvenez de cet homme qui était enchaîné dans les cimetières. Et Jésus l'a délivré. Et la Bible déclare, il avait complètement changé une fois que les démons sont partis. Vous avez des gens qui ont des problèmes spirituels. Des problèmes spirituels. Parce qu'ils sont tourmentés, attaqués par des démons. Mais toi, tu te limites à prêcher la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu prêches la parole. Jésus, moi, je prêche que la parole. Toi-même, tu t'occupes de délivrance et de guérison. Mais vous êtes des serviteurs infidèles. Vous n'êtes pas fidèles. Pourtant, vous avez reçu l'appel. Je ne dis pas que c'est faux. Vous avez reçu l'appel. Toi, mon frère, tu es pasteur, tu as reçu l'appel. Toi, ma soeur, servante de Dieu, tu as reçu l'appel. Mais fais le service complet. Et ton maître sera fier de toi. Jésus sera fier de toi parce que tu fais le service complet. Parce que si tu laisses ton serviteur, toi, tu as des serviteurs. Tu dis à ton serviteur, tu vas passer la serpillière. Après, tu fais la vaisselle. Après, tu vas vider les poubelles. Si tu arrives du boulot, tu trouves que le serviteur a passé que la serpillière, la poubelle traîne dans la cuisine et le reste. Mais tu ne seras pas content. Parce qu'il a fait une partie. Il a fait une partie de ce que tu attendais de lui. Parce que c'est la même chose. Jésus, avant de partir, il va dire à ses appelés, à ses serviteurs, annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Imposer les mains aux malades, chasser les démons. Parce que Jésus savait que les gens qui viennent dans nos assemblées ont des besoins. Il savait qu'ils ont des besoins, c'est pourquoi il a dit. Mais toi, tu as choisi de te limiter qu'à prêcher la parole, délivrance et guérison, tu ne t'en occupes pas, ce n'est pas ton problème. Après, on est étonné que les gens vont vers les faiseurs. J'ai regardé une vidéo qui a été faite, je crois, à Lille. Et j'ai pu voir des chrétiens de la région parisienne dans la vidéo. J'ai vu une des femmes, elle m'a dit, bien aimé, je prends le TGV le matin. Pourtant, il y a des églises ici. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher les guérisons, les délivrances. Ils vont chercher les prophéties. Ils vont chercher les prophéties. C'est ça le problème. Comment expliquer que les appelés de Dieu ne font pas le service complet? Bien aimé, toi qui prêches que la parole, tu ne fais pas le reste. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu le jour où tu partiras? La Bible déclare qu'on ira rendre compte à Dieu. Mais tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Parce que Jésus va te dire, tu n'as pas été fidèle dans le service que j'attendais de toi. Je voulais que tu imposes les mains aux malades, que tu fasses des délivrances, que tu annonces la bonne nouvelle. Or, jusque-là, quand je regarde ton ministère, toi tu te limitais qu'à prêcher. Vous avez des hommes de Dieu qui se limitent qu'à prêcher. Vous ne les verrez jamais imposer les mains aux malades. Vous ne les verrez jamais chasser les démons. Mais si tu es comme ça, tu ne fais pas le service complet et Dieu ne peut pas être fier de toi. Donc tu as une responsabilité quand les brebis de ton assemblée quittent pour aller vers les faiseurs de miracles. Parce que si tu pratiquais la totalité de la mission, prêcher la parole, imposer les mains aux malades, délivrer. Mais les gens ne quitteront plus ton assemblée pour aller vers les faiseurs de miracles. Ils vont là-bas parce que tu ne fais pas le service complet. Ils vont chercher les guérisons, les délivrances ailleurs parce que tu ne fais pas ça. Et pourtant, Jésus attend ça de toi parce qu'il te le dit dans Marc chapitre 16. Et toi, tu as choisi de se limiter qu'à prêcher, à prêcher, à prêcher. Tu vas prier pour les malades quand? Tu parles tous les dimanches, tu prêches. À quel moment tu vas prier pour les malades? Tu vas faire les délivrances quand les gens de ton assemblée qui sont tourmentés par les esprits, à quel moment tu vas faire la délivrance? Puisque Jésus attend ça de toi. Le serviteur fidèle, c'est qui? Le serviteur fidèle, c'est celui qui fait le service complet, c'est celui qui fait tout ce que son maître attend de lui. Mais toi, tu te limites qu'à la parole. Et on est étonné. Les gens quittent vos assemblées pour courir vers les miracles. Et qu'ils vous assemblent pour aller vers les faiseurs de miracles. Après, on les critique. Oh, ne courez pas derrière les miracles. Mais Jésus a prévu qu'il y aura des miracles dans son église. Et c'est pourquoi il a dit à ses serviteurs, ça se passera en mon nom. C'est aux serviteurs de Dieu d'appeler les malades, de prier. Jésus qui est fidèle va accomplir sa parole. Tout ce que Jésus attend de toi, tu n'es qu'instrument. C'est d'obéir. Et c'est lui qui fait le miracle. Il t'a dit, va chasser les mauvais esprits. Tu vas chasser les mauvais esprits en son nom. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est Jésus qui accomplit sa parole. Et le miracle est là. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, fais le service complet. Ne te limite pas qu'à prêcher. Jésus attend de toi aussi que tu imposes les mains malades. Jésus attend aussi que tu chasses les démons. Il te l'a dit dans Marc chapitre 16. Mais toi, tu as décidé de s'occuper que de la parole. Le reste, là, tu ne touches pas. Mais crois-tu sincèrement, bien-aimé, entre nous, crois-tu que Jésus est fier de toi parce que tu ne fais pas le service complet? Quand Jésus regarde ton assemblée, il voit des personnes possédées, il voit des malades. Et toi, tu es là. Ce n'est pas à Jésus de revenir s'occuper des malades. Parce que Jésus t'a confié la mission. Jésus t'a confié la mission, c'est à toi de le faire. Parce que vous avez, c'est terrible, bien-aimé, vous avez des églises. Vous pouvez les fréquenter du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas d'imposition des mains aux malades. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Le culte commence à 10h. Louange, la chorale commence, adoration. L'homme de Dieu vient en beau costume et tout. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Il termine de prêcher, on passe aux offrandes. Après, on fait les annonces. Vous avez des églises qui tournent comme ça toute l'année. Attends, bien aimé, et les malades. Et les malades qui sont là. Et les personnes qui sont tourmentées par des esprits. Tu en fais quoi? Tu les laisses, tu les abandonnes comme ça? Débrouillez-vous dans la nature. Débrouillez-vous. Mais Jésus t'a dit d'annoncer la bonne nouvelle, c'est bien de prêcher. Mais Jésus attend aussi de toi que tu t'occupes des malades. Jésus veut aussi que tu t'occupes des personnes qui ont besoin de délivrance. C'est ça. C'est ça la mission. La mission ne se limite pas qu'à prêcher. La mission, c'est le tout. La mission, c'est le tout. C'est la raison pour laquelle les gens vont se retirer de vos assemblées pour courir derrière les faiseurs de miracles. Parce que le diable a vu que les appelés de Dieu, les serviteurs de Dieu, Satan a vu que beaucoup, pas tout le monde, beaucoup ne sont pas fidèles. Le diable a vu que dans l'église de Christ, beaucoup n'imposent pas les mains pour les guérisons, beaucoup ne chassent pas les démons. Satan a dit, ok, moi, je vais envoyer mes agents. Eux ne vont pas perdre leur temps à prêcher la bonne nouvelle, puisque vous, vous vous occupez de prêcher. Moi, je vais les former spécialement pour les miracles. C'est pourquoi quand vous voyez les faiseurs de miracles, ils ne perdent pas leur temps à prêcher la bonne nouvelle. Une fois après l'adoration, la louange, tout de suite, les prophéties démarrent. Toi. Voilà, le Seigneur me dit ça. Toi, le Saint-Esprit me dit que ton mari te trompe avec une femme. Viens là. Ton mari est en train de te tromper avec une femme. Viens, madame. Toi, monsieur, ton collègue de travail n'est pas gentil. Il a pris un truc de toi, il est allé bloquer. Viens ici. Voilà. Là, on est complètement dans la voyance. On est dans la voyance. Madame, toi qui es habillé en bleu là, le Saint-Esprit me dit que tu as 10 euros dans ton sac. Hein? Ouvre le sac. Ah oui, j'ai 10 euros. Bah, vous, franchement, mais Satan fait le spectacle. Et vous avez des gens, parce que Jésus dit, beaucoup vont sur ces faiseurs de miracles. Beaucoup vont les sur. Matthieu chapitre 24, au verset 24, Jésus dit, beaucoup. Et Jésus dit, ils séduiront beaucoup de monde, parce qu'ils vont séduire par les miracles. Mais pourquoi? Parce que les appelés de Jésus, ces vrais serviteurs, se sont limités à prêcher que la parole. Les délivrances et les guérisons, ils ont dit, ça, c'est pas notre affaire. Débrouillez-vous. Mais le maître, un jour, toi le serviteur de Dieu, toi la servante de l'Éternel, un jour tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et Dieu va te dire, mon fils, ma fille, voilà, j'attendais de toi, je t'avais bien dit, annonce la bonne nouvelle, occupe-toi des malades, fais des délivrances à mon nom. Tout ça à mon nom. Mais quand je regarde, j'ai longtemps regardé ton ministère. Tu ne faisais que prêcher. Et les malades de ton assemblée, comment tu pouvais les empêcher d'aller vers les faiseurs de miracles? Parce que si tu faisais ces choses dans ton assemblée, ils n'iront plus les chercher ailleurs. Parce que c'est ça le problème. Parce que si on pouvait faire des délivrances, des impositions des mains, comme Jésus attend cela de nous, mais les gens de nos assemblées n'iront plus vers les faiseurs de miracles. Parce que cela est pratiqué dans son église. Il n'a plus besoin d'aller le chercher ailleurs. Le problème, c'est parce que comme on ne fait pas ça, c'est pourquoi ils vont chercher ça vers les faiseurs de miracles. Mais nous avons une responsabilité là-dedans. Parce que si on pouvait pratiquer cela, ils n'iront plus le chercher ailleurs. Mais vous avez des hommes de Dieu qui sont des vrais hommes de Dieu, qui ont reçu l'appel, mais qui ne se limitent qu'à prêcher. Ils ne se limitent qu'à prêcher. Donc ces personnes ont une responsabilité. Si les brebis de leur assemblée vont chercher les miracles ailleurs, parce que la volonté parfaite de Jésus est que la bonne nouvelle soit annoncée, la volonté de Jésus est qu'il y ait aussi des guérisons et des délivrances dans son église. Mais Jésus, c'est au serviteur de Dieu d'appliquer ça. Parce que Jésus leur dit clairement, voici les miracles qui accompagneront. Il leur dit, annoncez la bonne nouvelle. Et priez pour les malades. Faites des délivrances. Mais si vous ne voulez pas faire ces choses, bien-aimé, crois-tu que Dieu est fier de toi? Mon frère, ma soeur, réfléchis un peu. Jésus t'a demandé ces trois choses-là. Annonce la parole. Toi, tu te limites, tu tournes en boucle. Du premier jour de l'année au dernier jour, toi, tu prêches, tu prêches, tu prêches. Jamais tu t'occupes des malades. Jamais tu t'occupes des personnes qui ont besoin de délivrance. Tu ne t'occupes pas de ça. Alors que Jésus attend ça de toi. Jésus attend ça de toi parce qu'il t'a dit de faire ces trois choses-là. Toi, tu t'occupes que prêcher, prêcher, prêcher, prêcher. Mais les brebis de ton église, quand ils vont entendre qu'il y a des guérisons, des délivrances là-bas, mais obligés de courir. Mais tu as une responsabilité dans ça parce que si tu pratiquais ça dans ton église, comme Jésus attend ça de toi, si tu faisais ça, ils n'auront plus besoin d'aller le chercher ailleurs. Ils n'auront plus besoin d'aller chercher les délivrances ailleurs. Ils n'auront plus besoin d'aller chercher les guérisons ailleurs. Mais comme tu ne pratiques pas ça, c'est pourquoi ils vont chercher ailleurs vers les faiseurs de miracles. Et Dieu te tient pour responsable. Parce que Jésus va te juger là-dessus. Jésus va te dire, tu n'as pas été fidèle au service. Tu n'as pas été fidèle. Parce que le fidèle, c'est celui qui a appliqué les trois choses. Prêcher la parole, imposer les mains aux malades, délivrer les captifs. Jésus attend ça de toi. Il t'observe. Est-ce que tu fais ça? Examine-toi toi-même, frère. Est-ce que tu fais le service complet? Ou bien tu as choisi d'être le serviteur de Dieu qui prêche que la parole, délivrance et guérison, c'est pas ton problème. Mais tu ne fais pas le service complet. Et Jésus ne peut pas être fier de toi. Il ne peut pas être fier de toi. Heureusement qu'il existe des hommes de Dieu qui font le service complet. Mais la volonté de Dieu est que tout homme de Dieu, ceux qui ont reçu l'appel, fassent le service complet. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Parce que tant que tu n'auras pas le service complet, ce qui manque là, ce qui manque dans ton assemblée, parce que dans ton assemblée, il y a la parole. La parole est prêchée. Mais dans ton assemblée, les malades ne reçoivent pas l'imposition des mains. Dans ton assemblée, il n'y a pas de délivrance. Mais les gens sont obligés d'aller chercher ça ailleurs. Parce que si tu faisais la volonté parfaite de Jésus, si tu prêches comme tu prêches là, gloire à Dieu, ensuite, tu t'occupes des malades. Ensuite, tu fais les délivrances aux personnes qui ont besoin de délivrance. Mais les gens ne quitteront plus là pour aller chercher les délivrances ailleurs. Les gens ne quitteront plus ton église pour aller chercher les guérisons ailleurs. Si seulement tu pratiquais ça. Mais s'ils vont ailleurs, c'est parce que tu ne pratiques pas. La faute à qui? Tu as une responsabilité, bien-aimé. Parce que Jésus t'a dit de faire ça. Jésus ne t'a pas dit de se limiter qu'à prêcher. De se limiter qu'à prêcher. Il t'a aussi dit de s'occuper des malades. Il t'a aussi dit de faire des délivrances. Si tu ne les fais pas dans ton assemblée, qui viendra les faire à ta place? Qui? C'est toi le pasteur. Qui d'autre viendra faire des délivrances dans ton église si tu ne fais pas ça? Après, tu vas te plaindre de ce que les gens vont vers les faiseurs de miracles. Mais tu as une responsabilité. Parce que si tu pratiquais tout dans ton église, les gens n'iront plus le chercher ailleurs. Donc, c'est le grand problème aujourd'hui vous avez des hommes de Dieu qui ont reçu l'appel, des serviteurs, des servantes qui ont reçu l'appel, mais qui ne font pas le service complet. Et Satan a vu ça. C'est pourquoi Satan, lui, va séduire ses envoyés. Il va leur dire, vous ne perdez pas votre temps à prêcher. Parce que quand tu vas dans ces églises de ces gens-là, ils ne perdent pas leur temps. Après la louange, l'adoration, tout de suite, les prophéties commencent. Tout de suite, les prophéties, des visions commencent. Oh, viens là, toi là, tu as tel problème, viens. Je vois dans ton ventre, on t'a donné la nourriture. Je vois, c'est ça qui te bloque. Tu n'arrives pas à enfanter, tu as mangé un truc, viens ici. Mais oui, parce que Satan, lui, il exploite maintenant ses agents dans le domaine où l'église a failli. Parce que l'église de Christ n'a pas été fidèle au Seigneur. Pas tout le monde. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui font le service complet. Mais il y en a d'autres qui ne font pas. Il y en a d'autres qui ne font pas. Ils sont serviteurs de Dieu de prêcher. Mais Jésus ne t'a pas dit de se limiter à prêcher. Je suis désolé. C'est tout. Toi, tu as choisi de prêcher seulement. Mais Jésus lui te dit, prêche la bonne nouvelle à tout le monde. Impose les mains aux malades. Chasse les démons. Pourquoi tu ne fais pas le service complet? Pourquoi tu ne fais pas tout? Pourquoi tu choisis de prêcher seulement et le reste là tu refuses? Pourquoi tu refuses le reste? Hein? Seigneur Jésus, mais Seigneur Jésus attend que tu appliques les trois volets. Prêcher, guérison, délivrance, c'est ce qu'il attend de toi. Pourquoi tu ne fais pas le service complet? Comment veux-tu que les gens ne quittent pas là où tu es pour aller chercher ça ailleurs? Parce que si tu pratiquais le service complet, les gens ne quitteront plus ton assemblée pour courir vers les faiseurs de miracles. Ils courent derrière ces gens-là parce que vous n'êtes pas fidèles. Parce que vous n'êtes pas fidèles dans ce que Jésus attend de vous. C'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.